morning dawns and evening fades, you inspire songs of praise that rise from earth to touch your heart and glorify your name. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder, 'cause nothing has the power to save. Point vu, il

Na mala yo tika kinga iboye o o masiye yo te monga nganga o masiye yo ne li kia nganga o moli momo sangue yo ne bozi nganga o masiye. Une rosée qui a été formée dans les ténèbres de la nuit. Elle a subi les intempéries du temps, mais la voilà qui crie ce qu'elle a vu, le soleil qui se lève, et elle sait qu'avec la venue du soleil, son départ est imminent. Ô soleil, brille, brille, brille. Aiguillon de la mort, Jésus t'avait vaincu à Golgotha, il m'a fait aussi vainqueur. Brille en Jésus seul, la mort est vaincue. Vanité, vanité, la pensée fort, tu penses que avec ta force tu pourras seulement vaincre la mort. Mais non, en Jésus seul, la mort. Tu pourras seulement séduire la mort. Mais non, en Jésus seul, la mort. Vanité, vanité, la pensée vaine. seulement qu'on rompe la mort. Mais non, en Jésus seul, la mort est vaincue. Forever and ever. Lord, I lift your name on high.